Bonjour et bienvenue dans ce animé de mélodie Chibi spécial Bubblegum Crisis. Dans un futur proche, Tokyo est dévasté par un terrible tremblement de terre. 7 ans plus tard, une nouvelle cité, Mega Tokyo, est bâtie sur les ruines par le biais d'investissements privés d'une multinationale aussi prospère que secrète, la Genome. Cette dernière est responsable de la création et de la production de masse de puissantes créatures biomécaniques du nom de Boomers, destinées à servir le développement industriel de la ville naissante et étendre son emprise sur le monde entier. Mais les Boomers échappent rapidement à tout contrôle, voire agissent comme des humains, mais avec les plus bas instincts. Et la dépolice est appelée à la rescousse. Mais le combat est inégal, car la technologie de Genome bénéficie de meilleurs crédits que les administrations publiques. Cilia Stingray, la fille du savant qui a littéralement inventé les Boomers et que Genome a fait assassiner, utilise les derniers travaux de son père pour fabriquer des armures de combat hautement sophistiquées et embauche 3 jeunes femmes, chacune spécialisée dans un domaine bien précis, afin de lutter contre Genome et ses ambitions. Toutes les 4 forment le groupe de Vigile, connu sous le nom de Night Sabers. Nous sommes en 2032, et le monde semble menacé par ces Made Machines. Bubblegum Crisis est une série de 8 OAV éditée entre 1987 et 1991, produite par IC, Umex, qui appartient à Toshiba Amy et qui produira d'ailleurs la bande musicale, ainsi que Artmic Studio. Bubblegum Crisis 2032 tire son inspiration d'un film culte, Blade Runner, réalisé par Ridley Scott, sorti en 1982. On retrouve ici toutes les aspirations de ce film, ses craintes, ses espérances, mais le ton est peut-être encore plus sombre encore, à mesure que les OAV défilent. Les boomers sont des machines à l'origine faites pour travailler à la place de l'homme, mais malheureusement, elles sont souvent incontrôlables du fait des agissements de la génome et deviennent une vraie menace pour la société qui tente encore de se reconstruire. Bubblegum Crisis est une série innovante, sortie à la charnière des années 80 et 90, donnant encore un goût très 80s à la production musicale accompagnant les épisodes. Celle-ci en effet est imprégnée d'un son rock FM, un peu rétro à l'écoute, mais totalement addictive par ses couleurs chaudes, ses arrangements orchestraux, mais aussi à un synthé d'époque. Ses voix à la fois charmeuses ou vindicatives sont le reflet de la société dans laquelle vivent nos personnages. Et si en plus on fait de ces femmes non pas de jeunes filles soumises, mais de vraies guerrières prêtes à botter le cul aux méchants, alors pourquoi pas ? Bubblegum Crisis fait partie de ces productions Artmic Umex qui ont marqué les années 80. On retrouve dans leur production par exemple le film Galforce Eternal Story et ses OAV qui ont fait suite. Il est à noter d'ailleurs que c'était encore Kenichi Sonoda au chara-design de ces deux séries. Au mechanical design, on retrouve Kenichi Sonoda et un autre nom bien connu, Shinji Arakami, à qui l'on doit les adaptations en film 3D de Appleseed, voire même de Albator. Cette série s'est donc achevée au bout de 8 épisodes. La trame a été laissée à l'abandon alors que 13 épisodes étaient prévus, suite à des désaccords entre Umex et AIC. Artmic est d'ailleurs entré dans la franchise dès la production de l'épisode 5 seulement, c'est dire comme l'ambiance était à la fête. Tout cela a laissé les fans orphelins, mais un certain temps. En effet, Umex s'est lancé avec Artmic dans la suite nommée Bubblegum Crash. Mais malheureusement, la série s'est crashée au bout de 3 épisodes sur les 5 prévus, suite au procès intenté par AIC. Par la suite, fin des années 90, le procès toujours en cours a été annulé car Artmic a fait banqueroute et Umex a été absorbé à 100% par Toshiba Amy. C'est AIC qui récupéra donc les droits de Bubblegum Crisis et bien d'autres licences de Artmic d'ailleurs. Et en auront produit un reboot en série télé au début des années 2000, Bubblegum Crisis 2040, avec un design remanié. Celle-ci est malheureusement pauvre de tout, de talent au niveau chanson, mais ce n'est que mon avis, en animation, assez pauvre, et surtout cette série, comme beaucoup de celles produites entre 1995 et 2002, a pris un sacré coup de vieux à cause des effets assez moches de la 3D. C'était Knuckle of Fire, chanté par les Night Sabers. Sylvia Stingray est le leader des Night Sabers. C'est aussi la fille de Katsu Ito. Elle a continué les recherches de son père et est responsable du développement des Art Suite. Elle a tendance à être très réservée, ce qui la fait surnommer par les filles la Reine des Glaces. Mais elle souffre en réalité, en privé, de ses erreurs et de ce qu'elle fait subir à ses amis en les envoyant en mission contre Genom. En l'an 2022, l'aube de la technologie du Baby Boom, le Dr. Stingray a été assassiné par les perfides Genom Corporation. Après la mort de leur père, Sylvia et son petit frère étaient tout ce qui restait de leur famille. Sylvia a hérité d'une immense fortune de son père, ainsi qu'une énorme quantité de données relatives à la recherche de celui-ci. Toutes ces données étaient directement entrées dans son cerveau. Cette technique a également fait partie de la technologie de boomer du Dr. Stingray. De cette façon, Sylvia renaît comme une sorte de super-héroïne. Bientôt, Mega Tokyo a été terrorisée par les boomers de Genom. Sylvia, bouleversée par un tel abus de la technologie de son père, a décidé de faire tomber Genom et ses boomers. En l'an 2030, avec l'achèvement de sa conception de Art Suite, sorte de soldat blindé compact et puissant, Sylvia a commencé à recruter des femmes pour son groupe de Punishers, les Night Sabers. Remember, 忘れないわ 会えない時間が C'était Remember, chanté par Kinuko Ohomori. Il est temps de parler de Pris, la chanteuse de Pris et les Réplicants, mais c'est aussi l'âme guerrière des Night Sabers. Pris est la plus forte du groupe des Sabers. Elle met souvent sa vie en danger sans porter d'intérêt à celle-ci, combattant le plus souvent pour assouvir un fort désir de détruire des boomers. Elle est généralement antisociale et n'aime pas l'autorité, mais elle se soucie profondément de ceux qu'elle considère comme ses vrais amis. Pris a perdu ses parents dans le deuxième tremblement de terre de Kanto de 2025. Kanto est une région dans le centre-est du Japon, près de Tokyo. Elle a été mise dans un orphelinat et sans personne sur qui compter. Pris mène donc une enfance solitaire et assez violente. À 17 ans, elle erre du côté sombre de Mega Tokyo, chantant à mi-temps au Suburban Live House ou au The Night City Road. Puis ensuite, elle prend sa moto et laisse gronder le moteur puissamment pour cacher ses pleurs. Peu de temps avant, un homme avait réussi à capturer le cœur de Pris. C'était un chef de gang, mais il a été assassiné par un boomer après avoir découvert les secrets de l'organisation Genom. Cependant, l'un des polices qui contrôle les cas de meurtre et les problèmes liés aux boomers a déclaré que sa mort était un simple accident. Pris, en colère et pleurant vengeance, allait s'occuper des assassins de son amant quand une belle jeune femme sortit de sa Mercedes-Benz rouge et lui demanda « Voulez-vous me confier ce cœur brûlant qu'est le vôtre ?» La seiyuu qui double Pris, c'est Kuniko Ohomori et c'est aussi elle qui chante avec les réplicantes Konnyawa Hurricane. Il y a un ouragan ce soir. Parlons un peu du personnage Lina Yamazaki. Lina est l'athlète des Night Sabers. Pas aussi forte que Pris, elle est malgré tout une combattante beaucoup plus technique et posée, réfléchissant avant d'entamer un combat. Grâce à des années de formation de danse, son agilité est incomparable. Elle est aussi la plus sociable du groupe, avec un nouveau petit ami presque chaque semaine. Aussi, sa couverture le jour la présente comme superficielle, préférant les vêtements, sa voiture et l'argent. Comme Pris, Lina a également perdu ses parents. Dans le chaos qui a suivi le grand tremblement de terre du Kanto, un boomer a fait des ravages partout dans Mega Tokyo. La des polices, nouvellement formée, avait été incapable de ramener la situation sous contrôle, et en raison de leur incompétence, de nombreux citoyens en sont morts. Les parents de Lina faisaient partie de ces victimes. Lina est plus forte qu'elle n'en a l'air, et elle a rapidement remonté la pente. Sa gaieté naturelle l'a aidée à surmonter sa douleur et elle a continué à se former en tant qu'actrice. Le grand rêve de Lina était de devenir une artiste de renommée mondiale. Ce jour-là, s'est présentée lors d'une audition pour une comédie musicale, mais les juges n'ont pas du tout été satisfaits de sa performance. Les commentaires acerbes qui en ont découlé a brisé son rêve pour toujours. Cilia, cependant, a remarqué ses excellents réflexes et sa forte volonté et l'a engagée parmi les Night Sabers. La seiyuu doublant le personnage de Lina est Tomizawa Michie. Découvrons-la en écoutant une de ses chansons, Route California. parlons un peu de Nene Romanova. Nene est la spécialiste en informatique du groupe des Night Cybers. Elle travaille également pour la dépolice, ce qui donne à Sylvia un accès aux fichiers de la police. Nene est en réalité encore une adolescente de 17 ans, mais pour entrer dans la dépolice, elle a piraté les données liées à ses données personnelles et a changé sa date de naissance. Pas spécialement une bonne combattante, son hard suite est plutôt boosté d'éléments informatiques et reste en arrière le plus souvent tel un mage dans un RPG pour soutenir sa guilde. Contrairement aux parents des autres membres, les parents de Nene sont en parfaite santé. Nene est une jeune fille de bonne famille, mais ne supporte pas ses parents bien trop stricts, la surveillant constamment sur ses allées et venues. Placée dans une école pour filles, Nene s'est avérée être trop intelligente pour suivre les cours comme les autres. En conséquence, elle devenait la bête curieuse de l'école et était souvent malmenée par les élèves. N'en pouvant plus, elle se renferma sur elle-même et pour occuper son ennui, se lança dans le hacking, piratant de grands groupes industriels, faisant de l'écoute électronique et bien d'autres choses encore. Chris et Lina faisaient déjà partie des Night Cybers quand Cilia a remarqué un jour ses compétences et lui envoyé un casse-tête informatique contenant toutes les données sur la Genome et les Night Cybers. Nene l'a facilement déchiffré et en parcourant les fichiers, a compris la vraie nature du programme ainsi que les agissements de la Genome. Ainsi, elle rejoignit le groupe, offrant ses compétences pour renforcer leur défense. La seiyuu doublant Nene s'appelle Hiramatsu Akiko. Découvrons sa voix en l'écoutant dans la chanson Kiss 17 Girl. Ça lui correspond plutôt bien, non ? Bye. Après avoir découvert les personnages, découvrons Shaco Ave grâce à un résumé et écoutons ses chansons et ses musiques. OAV 1, Tinsel City. Les 4 Nightsabers, Pris, Cilia, Nene et Lina, se font embaucher par l'USSD, armée de défense spatiale, afin de retrouver une fillette, Cynthia, qui aurait été enlevée par des boomers. Seulement l'affaire va s'avérer plus compliquée que prévu, avec notamment le contrôle d'un puissant satellite au-dessus de Mega Tokyo, armé d'un puissant laser dévastateur. La musique a été composée par Koji Makaino. C'est aussi le compositeur de Lady Oscar. On y retrouve Konyawa Hurricane, chanté par Kinuko Ohomori, Loneliness Angel, chanté par Yuki Ueda, Remember, chanté toujours par Kinuko Ohomori, et Mr. Dandy, chanté par Blue W. Nous avons déjà pu écouter Konyawa Hurricane et Remember, aussi écoutons maintenant ceux que vous n'avez pas entendus et quelques musiques. We'll be right back. Sure. Deuxième OAV, Born to Kill. Brian G. Mason, le vice-président de la Genome, va finalement parvenir à détourner le système d'armement du satellite militaire. Un terrible boomer va être construit dans la foulée. Mais notre quatuor féminin va intervenir, surtout après qu'une amie de Lina ait été impliquée dans cette histoire. Dans ce deuxième OAV, on retrouve toujours la musique de Koji Makaino, mais aussi trois chansons. Made Machine de Tomoko Aran, que l'on a entendu en début d'émission. Thrill ni Odoru no Angel Tachi des Night Sabers. Et Kizudarake no Wide de Tomoko Aran à nouveau. Nous allons écouter Kizudarake no Wide. Thank you. OAV numéro 3, Blow Up. Mason, le vice-président de la Génome, fait raser tout un quartier nouvellement acquis où vivent de pauvres gens. Dans la destruction, une amie de Price est tuée, laissant son jeune fils orphelin. Price veut alors absolument se venger, mais les Night Sabers ont pour règle de ne pas intervenir pour des motifs personnels. Tout du moins jusqu'à ce que Cilia finisse par trouver des preuves permettant d'aller affronter Mason. La musique est toujours composée, comme pour le reste de la série, par Koji Makaino. Il y a trois chansons dans cette OAV. Victory, par Kinuko Omori, Wasurana Aide, par Kinuko Omori à nouveau, et Ashita et No Touchdown, par les Night Sabers. On les écoute tout de suite. Yeah. Thank you. OAV numéro 4, Revenge Road. Depuis quelque temps, une antique voiture de course, une Griffon, sème la terreur parmi les motards. D.B. Gibson cherche en effet à se venger d'un gang qui l'a attaqué et qui a plongé sa petite amie dans le silence. Le hasard va vouloir que Pris s'intéresse à eux suite à un accident. Pris et les Night Sabers arriveront-elles à arrêter le Griffon à temps ? On retrouve donc dans cette OAV trois chansons. Achille Great Crisis, Anger, par Yuiko Tsubokura, Devil and Angel Kiss, par les Night Sabers, et Twilight, de Yuiko Tsubokura. Nous allons entendre ces trois chansons tout de suite. Pura. ou AV numéro 5, Moonlight Rambler. Sur un satellite artificiel, un groupe de jeunes filles tente de prendre la fuite, mais seules deux d'entre elles vont y parvenir et vont ainsi rejoindre la Terre. Sylvie, l'une des deux en question, va devenir l'amie de Pris. Dans le même temps, des personnes sont retrouvées mortes, vidées de leur sang et en ville, les rumeurs parlent d'un vampire. Dans cette OAV, nous retrouvons 5 chansons. Rose Warrior, Soldier, par Yuiko Tsubokura, Midnight Protagonist, par Michie Tomizawa, Starlight, par Yoshiko Sakakibara, Embrace in Memories, par Yuiko Tsubokura, et Mysterious Night, par les Night Sabers. C'est la fameuse chanson qui est un plagiat de Johnny Johnny, chantée par Janmas dans les années 80. Par Janmas. On se retrouve juste après pour l'OAV numéro 6. Yeah. Thank you. Ou avec numéro 6, Red Eyes. Alors qu'un groupe mystérieux usurpe l'identité des Nightsabers pour mieux anéantir leur réputation, deux androïdes tentent de se procurer un système de contrôle détenu par la Génome. Pris, qui a décidé de stopper son rôle de justicière, va cependant reconnaître la jeune fille qui était soignée par Sylvie, sa défunte amie, et ne va pas tarder à se rendre compte que les deux affaires sont liées. On retrouve pour cette OAV 5 chansons au total. Jumping Heart par les Nightsabers, Key 17 Girl qu'on a déjà entendu tout à l'heure, chantée par Akiko Hiramatsu, Heart is Natural par Michie Tomizawa, Largo par Yoshiko Saka Kibara et Rock Me par Yuiko Tsubokura. Nous allons écouter tout de suite Jumping Heart, Largo et Rock Me. We'll be right back. Wave numéro 7, Double Vision. Vision, une jeune rockeuse à la mode, débarque à Mega Tokyo pour donner une série de concerts. En réalité, elle est là pour pouvoir se venger de la Genom, cette dernière étant responsable de la mort de sa jeune sœur. Les Night Sabers vont cependant se retrouver mêlés à cette affaire, d'autant que Lina connaissait aussi la jeune sœur défunte de Vision. Dans cette OAV, on retrouve 6 chansons. Say Yes par Maiko Hashimoto, Q, You're My Son par Akiko Hiramatsu, Here in the Dark par Yoshiko Sakakibara, Come into Action par Michie Tomizawa, Yes Do It par les Night Sabers et Never the End par Maiko Hashimoto. Comme il y a beaucoup de chansons sur cet album, je fais le choix de vous proposer tout de suite Say Yes, Q, You're My Son et Yes Do It. A tout à l'heure. huitième et dernier OAV de Bubblegum Crisis, Scoop Chase. Le patron de la dépolice confie sa jeune nièce, Lisa, aux petits soins de Néné. Or, cette dernière, reporter en herbe, à la recherche de son premier scoop, va réussir à prendre un cliché compromettant des Night Sabers. Cependant, dans le même temps, des boomers surpuissants vont s'attaquer au bâtiment même de la dépolice, tout en souhaitant également vaincre nos héroïnes. Pour ce dernier OAV, 6 chansons encore. Chase the Dream par Kinuko Omori, Route California que l'on a déjà entendu tout à l'heure par Michie Tomisawa, Silent Moon par Yoshiko Sakakibara, First Impression par Akiko Hiramatsu, Itoshiki Rival par Kinuko Omori et Bye Bye My Crisis par les Night Sabers. Nous allons écouter tout de suite Chase the Dream, Silent Moon et Bye Bye My Crisis par les Night Sabers. Et on se retrouve à la fin pour la fin. C'est la fin de ce animé de mélodie spécial Bubblegum Crisis. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve le mois prochain pour un animé de mélodie au maquet, cette fois-ci consacré au Metal Hero, en l'occurrence l'espèce Sheriff. Je vous laisse avec Bye Bye My Crisis par les Night Sabers. Et n'oubliez pas que la musique d'animé, ce n'est pas que pour les Japonais.